Chapitre 58e. C'était le surlendemain du jour où M. de Maillefort avait eu tour à tour une entrevue avec Mme de Senneterre et M. de la Rochegue. Herminie, seule chez elle, semblait en proie à une vive anxiété. Bien souvent, elle regarda sa petite pendule d'un regard impatient. Tressaillante au moindre bruit, elle tournait parfois sa tête du côté de la porte. On lisait sur la physionomie de la duchesse une angoisse égale à celle qu'elle avait ressentie quelque temps auparavant, en attendant de minute en minute le terrible M. Bouffard. Et pourtant ce n'était pas la visite de M. Bouffard, mais celle de M. de Maillefort, qui causait l'agitation de la jeune fille. Les fleurs de la coquette petite chambre d'Herminie venaient d'être renouvelées, ainsi que les rideaux de mousseline des fenêtres ouvertes, derrière lesquelles les persiennes vertes donnant sur le jardin étaient fermées. La duchesse semblait avoir fait son ménage avec encore plus de soin que de coutume. Elle avait mis sa plus belle robe, une robe de levantine noire montante avec un col et des manchets tout unis d'une blancheur éblouissante. Herminie, seulement parée de ses magnifiques cheveux blonds, brillants des plus doux reflets, n'avait jamais été d'une beauté plus noble et plus touchante, car depuis quelque temps, son visage avait pâli sans rien perdre de son éblouissant éclat. La duchesse venait encore de prêter l'oreille du côté de la porte. Lorsqu'elle crut entendre un léger bruit de pas derrière les persiennes fermées qui donnaient sur le jardin, elle allait se lever pour éclaircir ses doutes lorsque la clé de sa porte tourna dans la serrure et Madame Mouflon introduisit M. de Maillefort. Celui-ci, à peine entré, dit à la portière « Dans quelques instants, une dame viendra demander Mademoiselle Herminie. Vous l'introduirez ?»« Oui, monsieur, » répondit Madame Mouflon en se retirant. En entendant les mots du marquis, « Une dame viendra demander Mademoiselle Herminie », la jeune fille s'avança vivement auprès de M. de Maillefort et lui dit « Mon Dieu, monsieur, cette dame qui doit venir, c'est elle !» répondit le marquis, rayonnant de joie et d'espérance. « Oui, elle va venir !» Puis, voyant Herminie pâlir et trembler de tous ses membres, le bossu s'écria « Mon enfant, qu'avez-vous ?»« Ah, monsieur !» dit la duchesse d'une voix faible. « Je ne sais, mais maintenant, j'ai peur. » Peur. Lorsque Madame de Senneterre vient faire auprès de vous cette démarche inespérée que vous avez si dignement exigée? Hélas, monsieur, à cette heure seulement je comprends la témérité, l'inconvenance peut-être de mon exigence. Ma chère enfant, s'écria le bossu avec la plus vive inquiétude, pas de faiblesse, vous perdriez tout. Soyez envers Madame de Senneterre ce que vous êtes naturellement, modeste sans humilité, « digne, sans arrogance, et cela ira bien, je l'espère. »« Ah, monsieur, lorsque hier vous m'avez fait entrevoir la possibilité de la visite de Madame de Senneterre, je croyais éprouver une joie folle si cette espérance se réalisait, et à cette heure, je ne ressens que frayeur et angoisse. »« La voilà. Pour Dieu, du courage, mon enfant, songez à Gérald !» s'écria le bossu en entendant une voiture s'arrêter à la porte. « Monsieur !» murmura la duchesse d'une voix suppliante en prenant la main du marquis. « Ayez pitié de moi, je n'oserai jamais. Oh, je me sens mourir. » « La malheureuse enfant, » pensa le marquis, « elle va se perdre. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Madame de Senneterre parut. C'était une femme de haute taille, très maigre, et qui avait, ainsi que l'on dit, le plus grand air du monde. Elle entra, la tête altière, le regard insolent, le sourire dédaigneux et contracté. Son visage était très coloré. Elle semblait difficilement contenir une violente agitation intérieure. C'est qu'en effet, Madame de Senneterre était violemment agitée. Cette femme, d'une absurde et indomptable vanité, était partie de chez elle très décidée à faire auprès d'Herminie la démarche que M. de Maillefort exigeait et en retour de laquelle il promettait d'adopter la jeune fille. Madame de Senneterre s'était donc proposée de se montrer seulement froide et polie dans cette visite qui coûtait tant à son amour-propre. Mais lorsque le moment de cette entrevue approcha, mais lorsque cette arrogante créature pensa que dans quelques minutes, elle, duchesse de Senneterre, allait être obligée de se présenter comme demanderesse chez une misérable jeune fille qui vivait de son travail, l'implacable vanité de la grande dame se révolta en elle, la colère l'emporta, elle perdit la tête, et oubliant les avantages considérables que ce mariage pouvait apporter à son fils, oubliant qu'après tout c'était à la fille adoptive du prince-duc du Haut-Martel qu'elle venait rendre visite, et non à la pauvre artiste, Madame de Senneterre se présenta chez Herminie non plus avec des idées de conciliation, mais avec la résolution de traiter cette insolente comme le méritait l'audace de ses prétentions. À l'aspect de la physionomie hautaine, agressive et sourdement courroucée de Madame de Senneterre, le marquis, non moins surpris qu'épouvanté, devina le revirement subit des idées de la mère de Gérald. Il se dit avec désespoir « Tout est perdu ». Quant à Herminie, elle n'avait pas, ainsi qu'on dit, une goutte de sang dans les veines. Sa charmante figure était devenue d'une pâleur mortelle, ses lèvres presque bleues tremblaient convulsivement, elle tenait ses yeux fixés et baissés, il lui fut impossible de faire un pas, de trouver une parole. Quoique lui eût dit M. de Maillefort sur la jeune personne qu'il estimait assez pour lui donner son nom, Madame de Senneterre, trop stupidement fière, trop opiniâtre dans ses préjugés pour comprendre le sentiment de dignité qui avait dicté la conduite d'Herminie, s'attendait à trouver en elle une petite fille vulgaire et hardie, d'une vanité turbulente et effrontée. Aussi, la mère de Gérald s'était-elle armée de ses dédains les plus insultants, de ses hauteurs les plus provocantes. Mais elle resta complètement déroutée à la vue de cette timide et charmante créature, d'une distinction exquise, d'une beauté rare et touchante, et qui, au lieu de prendre des airs de triomphe impertinents, n'osait pas seulement lever les yeux, et paraissait plus morte que vive à l'aspect de la grande dame dont elle avait exigé la visite. Mon Dieu, qu'elle est donc belle! Se dit Madame de Senneterre avec un mélange de dépit et d'admiration involontaire. Tout en elle paraît d'une distinction parfaite. C'est vraiment incroyable! Une mauvaise petite maîtresse de musique? Mes filles ne sont pas mieux! Ces divers sentiments de Madame de Senneterre, si longs à décrire, avaient été presque instantanés. Il s'était passé à peine quelques secondes depuis son entrée chez Herminie, lorsque, rompant la première le silence et rougissant de l'espèce d'embarras et de déconvenue qu'elle venait d'éprouver, la mère de Gérald dit à la jeune fille d'une voix hautaine et sardonique « Mademoiselle Herminie, c'est moi, Madame la Duchesse », balbutia Herminie pendant que M. de Maillefort écoutait et contemplait cette scène avec une anxiété croissante. « Mademoiselle Herminie, maîtresse de musique ?» reprit Madame de Senneterre en appuyant sur ces derniers mots avec une affectation dédaigneuse. « C'est apparemment vous, mademoiselle ?»« Oui, Madame la Duchesse », répondit la pauvre enfant de plus en plus tremblante et sans oser lever encore les yeux. « Eh bien, mademoiselle, vous êtes satisfaite, je pense. Vous avez eu l'audace d'exiger que je vinsse chez vous, m'y voici. »« J'ai dû, Madame la Duchesse, solliciter l'honneur que vous daignez me faire. Vraiment ? Et de quel droit avez-vous osé élever cette insolente prétention ? Madame ! S'écria le bossu. Mais aux dernières et insultantes paroles de Madame de Senneterre, Herminie, jusqu'alors craintive, accablée, releva orgueilleusement la tête. Ses beaux traits se colorèrent légèrement, et levant pour la première fois sur la mère de Gérald. Ses grands yeux bleus où brillait une larme contenue, elle répondit d'un ton rempli de douceur et de fermeté. « Jamais je ne me suis cru le droit d'attendre de vous, madame, la moindre marque de déférence. J'ai voulu, au contraire, témoigner du respect que m'inspirait votre autorité, madame, en déclarant à M. de Senneterre que je ne pouvais, que je ne devais accepter sa main qu'avec le consentement de sa mère. Et c'était moi, dans ma position, qui devais m'abaisser jusqu'à faire la première démarche auprès de mademoiselle. Madame, je suis orpheline, sans famille. Je ne pouvais vous indiquer personne à qui vous adresser, si ce n'est à moi-même, et ma dignité ne me permettait pas, madame, d'aller solliciter votre adhésion. Votre dignité, c'est fort plaisant, s'écria Madame de Senneterre, outrée de se voir forcée de reconnaître la réserve et la convenance parfaite des réponses de la jeune fille, dans une occurrence si difficile. Vraiment, c'est très curieux, reprit-elle avec un éclat de rire sardonique. Mademoiselle a sa dignité. J'ai la dignité de l'honneur, du travail et de la pauvreté, Madame la Duchesse, répondit Herminie en regardant cette fois Madame de Senneterre bien en face, et d'un air si noble, si décidé, que se sentant enfin confuse de sa dureté, la mère de Gérald fut obligée de baisser les yeux. Le marquis, depuis quelques instants, se contenait à grand-peine pour ne pas venger sa protégée des insolences de Madame de Senneterre, mais en entendant la noble et simple réponse d'Herminie, il la trouva suffisamment vengée. Soit, mademoiselle, reprit madame de Saint-Terre d'un ton moins amer. Vous avez votre dignité, mais vous imaginez-vous par hasard que, pour entrer dans l'une des plus grandes maisons de France, il suffise d'être honnête et laborieuse ? Oui, madame, je le crois. Voilà qui est, par exemple, d'un audacieux orgueil, s'écria madame de Saint-Terre, exaspérée. Ainsi, mademoiselle croit faire à monsieur le duc de Saint-Terre, en l'épousant, beaucoup d'honneur, et à sa famille aussi, probablement. En répondant à l'affection de monsieur de Saint-Terre par une affection égale à la sienne, je crois l'honorer autant qu'il m'a honoré en me recherchant. Quant à la famille de monsieur de Saint-Terre, je sais, madame, qu'elle ne s'enorgueillirait pas de moi, mais j'aurais la conscience d'être digne d'elle. « Bien, bien, s'écria le bossu, bien, ma brave et noble enfant. » Madame de Saint-Terre, quoiqu'elle fît tous ses efforts pour résister à la pénétrante influence d'Herménie, la subissait forcément. La beauté, la grâce, le tact exquis de cette adorable créature exerçaient sur la mère de Gérald une sorte de fascination. Aussi, craignant d'y céder, et voulant couper court à toute tentative en brûlant, comme on dit, ses vaisseaux, madame de Saint-Terre revint à l'insulte et s'écria avec colère. « Non, non, il ne sera pas dit que je me laisserai prendre au charme perfide d'une aventurière et que j'aurai sottement consenti à ce qu'elle épouse mon fils. » Avant que le bossu, qui fit un brusque mouvement en jetant un regard terrible sur madame de Saint-Terre, eût pu dire un mot, Herminie reprit d'une voix brisée, pendant que de grosses larmes tombaient de ses yeux. « Excusez-moi, madame, l'insulte me trouve sans force et sans réponse. » Surtout lorsque c'est la mère de monsieur de Saint-Terre qui m'outrage. Je n'ai qu'une grâce à vous demander, madame. C'est de vous rappeler que j'étais résigné d'avance à votre refus. Aussi eût-il été généreux à vous de ne pas venir m'accabler ici. Quel est mon tort, madame? D'avoir cru monsieur de Saint-Terre d'une condition obscure et laborieuse comme la mienne? Sans cela, je serais morte, plutôt que de me laisser entraîner un pareil amour. Comment? S'écria madame de Saint-Terre. Vous ignoriez que mon fils... « Monsieur de Saint-Terre s'est présenté chez moi comme un homme vivant de son travail. Je l'ai cru, je l'ai aimé, loyalement aimé. Puis, lorsque j'ai connu sa naissance, j'ai refusé de le voir davantage, décidé à ne jamais m'unir à lui contre le vœu de sa famille. Voilà, madame, toute la vérité, » ajouta Herminie d'une voix tremblante et voilée par les larmes. « De cet amour, dont je n'aurai jamais à rougir, le sacrifice est accompli. Je m'y attendais. Je croyais seulement avoir le droit de souffrir sans témoin. Vos cruelles paroles, je les excuse, madame, vous êtes mère. Vous ne savez pas que j'étais digne de votre fils. Et jusque dans son égarement, l'amour maternel est sacré. » Puis Herminie, ayant essuyé les larmes qui inondaient son pâle visage, reprit d'une voix affaiblie et entrecoupée, car anéantie par cette scène, la jeune fille sentait ses forces défaillir. « Veuillez, madame, dire à monsieur de Saint-Terre que je lui pardonne le mal qu'il m'a fait involontairement. C'est à vous, madame, à vous, sa mère, que je jure de ne le revoir jamais, et l'on doit croire à ma parole. Ainsi, madame, vous sortirez d'ici satisfaite et rassurée. Mais je ne sais ce que j'éprouve. Monsieur de Maillefort, je vous en prie, venez, je... » La malheureuse enfant ne put en dire davantage. Ses lèvres décolorées s'agitèrent faiblement. Elle jeta un regard mourant et désespéré sur le bossu qui, s'avançant vivement, la reçut dans ses bras, presque inanimée, la plaça dans un fauteuil et dit à madame de Saint-Terre avec une expression terrible. « Ah, vous pleurerez des larmes de sang pour le mal que vous avez fait, madame. Sortez, sortez, vous voyez bien qu'elle se meurt. » En effet, Herminie, pâle comme une morte, ses bras alanguis, soutenus par les supports du fauteuil, avait la tête renversée et penchée sur son épaule. Son front, baigné d'une sueur froide, était à demi voilé par les grosses boucles de ses blonds cheveux et de ses yeux entrouverts, filtrait encore quelques larmes presque taries, tandis qu'un frémissement nerveux faisait de temps à autre tressaillir tout le corps de l'infortuné. Monsieur de Maillefort ne put retenir ses pleurs et d'une voix étouffée il dit à madame de Saint-Terre « Vous jouissez de votre ouvrage, n'est-ce pas ?» Mais quelle fut la stupeur du bossu en voyant soudain l'attendrissement, la douleur, les remords se peindre sur les traits de cette femme altière, qui, enfin vaincue par la noble et touchante résignation d'Herminie, fondit à son tour en larmes et dit au marquis d'un ton suppliant : « Monsieur de Maillefort, ayez pitié de moi. J'étais venu ici, décidé à tenir ma promesse. Et puis, malgré moi, ma fierté s'est révoltée. J'ai perdu la tête. À cette heure, je me repens. J'ai honte. J'ai horreur de ma conduite insensée. » Et Madame de Senneterre, courant à Herminie, souleva sa tête appesantie, la baisa au front et la soutint entre ses bras, disant d'une voix altérée : « Malheureuse enfant, pourra-t-elle me pardonner jamais ? Monsieur de Maillefort, du secours, appelez quelqu'un, sa pâleur m'épouvante. » Soudain, un pas précipité retentit derrière la porte. Elle s'ouvrit brusquement. Gérald entra, les traits bouleversés, l'air égaré, menaçant, car du jardin où il s'était tenu caché, sans en prévenir Herminie et monsieur de Maillefort, il avait entendu les cruelles paroles de sa mère à la jeune fille. « Gérald ! » s'écria le marquis stupéfait. « J'étais là, » reprit-il d'un air farouche en montrant la fenêtre. « J'ai tout entendu et... » Mais le duc de Senneterre n'acheva pas, saisi d'étonnement, à la vue de sa mère qui soutenait sur son sein la tête d'Herminie. « Mon fils ! » s'écria madame de Senneterre. « J'ai horreur de ce que j'ai fait. Je consens à tout. Je consens à tout. Épouse-la, c'est un ange. Fasse le ciel qu'elle me pardonne. « Oh, ma mère, ma mère !» murmura Gérald, avec un accent d'ineffable reconnaissance, en tombant aux genoux d'Herminie et couvrant ses mains de larmes et de baisers. « Bien, bien, » dit tout bas le marquis à madame de Senneterre, « c'est de l'adoration que votre fils aura pour vous maintenant. » Un mouvement que fit Herminie en essayant de soulever sa tête appesantie, Gérald s'écria « Elle revient à elle !» et s'adressant à la jeune fille de la voix la plus pénétrante, « Herminie, c'est moi, Gérald !» À la voix de monsieur de Senneterre, Herminie tressaillit de nouveau, ouvrit lentement ses yeux, d'abord fixes, troubles, comme si elle sortait d'un rêve pénible. Puis, l'espèce de voile que l'évanouissement avait étendue sur sa pensée se dissipant peu à peu, la jeune fille dégagea doucement sa tête, jusqu'alors appuyée sur le sein de madame de Senneterre, et leva les yeux. Quel étonnement! Elle reconnut la mère de Gérald qui la soutenant dans ses bras, la contemplait avec la plus tendre sollicitude. Se croyant sous l'empire d'un songe, Herminie se redressa brusquement, passa ses mains brûlantes sur ses yeux, et ses regards, de plus en plus assurés, tombèrent d'abord sur monsieur de Maillefort, qui la contemplait avec un ravissement ineffable, puis sur Gérald, toujours agenouillé devant elle. « Gérald ? » s'écria-t-elle. Et aussitôt, avec une incroyable expression d'angoisse, de frayeur et d'espérance, elle retourna vivement la tête du côté de madame de Senneterre. Comme pour s'assurer que c'était bien d'elle, en effet, qu'elle recevait des marques d'un touchant intérêt. Gérald, remarquant le mouvement de la jeune fille, se hâta de dire « Herminie, ma mère consent à tout. »« Oui, oui, mademoiselle, » s'écria madame de Senneterre avec effusion, « je consens à tout. J'ai de grands torts à me faire pardonner, mais j'y parviendrai, à force de tendresse. »« Madame, il serait vrai ?» dit Herminie en joignant les mains. « Mon Dieu, il serait possible, vous consentez? Tout ceci n'est pas un songe ?»« Non, Herminie, ce n'est pas un songe, » dit Gérald avec entraînement. « Nous sommes à jamais unis l'un à l'autre, vous serez ma femme. »« Non, ma noble et chère fille, ce n'est pas un songe, » dit à son tour monsieur de Maillefort. « C'est la récompense d'une vie de travail et d'honneur. »« Non, mademoiselle, ce n'est pas un songe, » reprit madame de Senneterre. « Car c'est vous, » ajouta-t-elle en regardant le marquis d'un air significatif, « vous, mademoiselle Herminie, qui vivez noblement de votre travail, c'est vous que j'accepte avec joie pour belle-fille, en présence de monsieur de Maillefort, car je suis certaine que mon fils ne peut faire un choix plus digne de lui, de moi et de sa famille. » Il faut renoncer à peindre les émotions diverses dont furent agités les acteurs de cette scène. Une demi-heure après, madame de Senneterre et son fils prenaient affectueusement congé d'Herminie, et celle-ci, accompagnée de monsieur de Maillefort, se rendait en hâte chez mademoiselle de Beauménil pour lui apprendre la bonne nouvelle et soutenir le courage de la plus riche héritière de France, car il s'agissait pour elle, ou plutôt pour Olivier, d'une dernière et redoutable épreuve.